9300 ma petite gueule. Ah oui 9300 ma couille. Hein, ils se disent encore des racailles. Encore. Hein, encore des chicaneurs. Et toujours. Hein. Aïe. Non, on n'est pas tous pareils. La police. Lourd, comme mon poids. Cours, quand tu me vois. Si tu me dois, mais que tu me donnes pas. Beaucoup de fous, t'aurais coupé le doigt. J'écris des sommets autant que j'en fume. Frappe sonore qui sort de ma plume. Je suis un gros ouin, je pose devant la lune. Je veux plus voir partir mes potes en cellule. Fais pas le mec de la street. Car on sait que tu simules, nul. Tu te compares à un pit, mais gros t'es qu'une petite mule, nul. Mandalo c'est rapide, pour débiter la weed. La journée j'ai rien dans le bide, à part de la fumée et du liquide. Ça joue les choses seulement en équipe, tout seul ils valent même pas un petit stick. Photo tu crasses trop t'es qu'un moustique. T'inquiète ma zik, toujours artistique. Vieux me prends pas pour ton disciple. J'fais mon sac gros parton d'ici. Faut des femmes et du bon whisky. Gros terre coquette dans la piscine. Résidus faire dans la pussy. Gros j'm'investis pour que t'apprécies. Pas de travesti, grosse couille dans pussy. Votre carré de bulle dans la vessie. Rempli de boulettes dans mon feu split. J't'arrache les couettes dans jacuzzi. Eh ouais cousine, tu kiffes les bonhommes. Les sièges en cuir et les gros sommes. La soirée de bois et gros magnum. Les mecs ma rue cherchent le pactole. J'y vois plus clair, pas besoin d'atoll. Pour connaître la hesse, pas besoin de la tolle. Pour faire le fou, pas besoin d'alcool. J'éteins ma fille croquer la pomme, pas besoin d'apple. J'éteins ma fille croquer la pomme, pas besoin d'apple. Le calibre vocal est chargé, fait du son de qualité obligé. Comme un enfant, je te mets au piquet. Aucune pitié pour tous tes pédés. Ils aiment le jacter, mais il faut qu'ils mutent. Bouteille de Jack de fille sur la tête. Je veux voir nos têtes passer à la télé. Et le West Ringo Sphere, c'est les boycottés. Pour que je prenne la grosse tête, tu peux toujours doigter. Le cul, la bouche, tu as deux doigts te casser jusqu'à t'en aies assez. Des fous nous menacer, on tire pour te cacher. Ce rabot te cacher, j'aime la vengeance glacée. Je vois qu'ils sont pas prêts, ta végétatif. Tu coules comme Titanic, toi elle reste de ta cliche. Tu coules comme Titanic, toi elle reste de ta cliche. Les boycottés, tu connais ma petite gueule. Ça fout le dégât comme un désert eagle. La rue c'est le désert, tu t'en sors pas d'humeur. Wesh Narvalo, on traîne en bas de l'humeur. Oui, très souvent de mauvaise humeur. Mauvaise humeur, ma haine me fait peur. J'roule un terre, paye ta belvédère. Dans l'équipe y'a des fous comme la bande à Bader. Tous à terre, agression volontaire. C'est quand tu pas chaque, nous on vient faire ta guerre. Montreuil sous, c'est ma zone, mon terre. J'veux des sous sur la tombe mon grand-père. J'ai qu'une parole, j'suis venu niquer des mères. Niquer le bénéf de ces rappeurs de merde. Rappeurs de merde, rappeurs de merde. Qui croient que le rap et la rue c'est comme merde. Et la rue c'est comme merde. C'est rappeur de merde. Ouais. C'est rappeur de merde. Rappeur de merde. Rappeur de merde. Les bonnes côtés. LOS. Ringo. Ouais. TEZ. Agent.